C'est un truc comme ça, non? Non, je voulais dire bonsoir, c'est là. Guten Abend. Ah bah voilà, Guten Abend. On n'était pas loin, quoi, ça commence fort. Planet Rap. Planet Rap. Et puis tu as un camarade qui est arrivé aussi. Ah oui, oui. Un petit camarade de jeu. Yeah, yeah. Puisque vous participez ensemble sur cet album, sur une des versions inédites d'ailleurs qu'on a joué sur Skyrock. Ouais. Le morceau Alone avec Gizmo qui est là aussi. Ça va bien, Gizmo? Ça va, et toi, mon gars? Eh ben écoute, toi, ça va, flamand? Ouais, non, je parle pas flamand. je parle pas flamand du tout, mais je parle grave le Célasou, t'as vu? Oui, c'est ça. Bête de langage que j'aime bien. Bête de langage. C'était hier soir, en direct avec Célasou sur Skyrock. Sérieux, je me sens coupable, quand mon cœur me fait des coups bas, je suis dégoûté dans la foulée, je me suis écarté de ma voix. Tant pis, je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin. Je suis pas bien, je me balade en ville le soir, j'ai des flashs de tous les deux. Faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on gâche, ça s'est passé sous tes yeux. Tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Spend by eternity, we used to be. I hope you remember me and I. Je me rappelle bébé. Je suis pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin. Bien sûr que je me rappelle de toi. Gangsta. Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you. Je suis seul sans toi. Cause I'm alone, sans toi bébé. I'm alone, sans toi. I'm alone, sans toi without bébé. You, sans toi without bébé. You, oh, oh. Jiggly bang. C'est la Soukismo, Fredo, Elsa, Momo. Without you, oh, oh. Okay. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec C'est la Sou sur Skyrock. C'est la Sou, notre invité tous les soirs de la semaine, avec le petit replay de la veille. C'est la Sou et l'album Reason qui arrive lundi, toujours en précommande. Hein, si vous voulez précommander l'album, n'hésite pas. D'ailleurs, toi, t'es quoi? Les albums, les sons que t'achètes, t'aimes plutôt avoir quand même le support physique? Le CD ou tu télécharges beaucoup? Do you rather play CDs or records, vinyl, or do you download music? Download iTunes ou vinyl. Je télécharge, j'utilise iTunes ou alors j'écoute des vinyles. Tu télécharges beaucoup? Oui. Qu'est-ce que t'as acheté dernièrement? Quels ont été tes gros coups de cœur dernièrement, Céline? FKA Twigs. FKA Twigs? Ah oui, c'est vraiment magnifique, je pense, oui. T'as écouté un petit peu aussi ce qui se passe ici en France, alors pas uniquement dans l'univers urbain, mais il y a eu pas mal de choses. Bah, je pense sur ton label, il y a Christine and the Queens. Christine and the Queens, c'est vraiment grand à Belgique aussi, oui. Oui, ah oui, c'est ça fort aussi, très c'est très fort aussi en Belgique. Oui, à Belgique aussi, oui. La côté flamand, c'est pas facile. Hein. Ah. Donc c'est toujours côté Wallonie, français, mais aussi la flamand. C'est quoi d'ailleurs la culture musicale? C'est plus quoi? Plus rock, le côté en... Plus rock, indie. Pas vraiment soul et hip-hop. Je pense que je suis un petit peu le seul vraiment soul artiste. C'est un souvenir aussi pareil, quand t'étais plus jeune en cours, ce que t'écoutais quoi? Les références que tu écoutais à l'époque, plus jeune. Quand j'étais jeune. In high school. Bon, t'es pas vieille, hein, je dis pas ça, mais quand t'étais un petit peu plus jeune. Oui, voilà. Alors, 14, 15, 16 piges. 14, oui. Lauryn Hill, Erykah Badu, Fugees. Donc vraiment hip-hop aussi. Tu connais Starflame? Oui, Starflame, c'est un groupe belge d'ailleurs. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Oui. C'est un groupe de rap belge, ouais. Oui. Starflame, ouais, bien sûr. Ouais. Starflame aussi. Il y avait un univers particulier, si je me dis pas de bêtises, il me semble qu'une de leurs pochettes c'était un dessin où ça ressemblait proche de dessin animé Starflame. Oui, c'est possible. Non, ça te dit rien? The drawing on the cover was from a cartoon, from a TV show, TV cartoon. Oh, c'est possible, mais je me souviens pas. Donc Starflame, t'écoutais beaucoup? Oui, Starflame. Et qu'est-ce qu'écoutaient plutôt tes potes, tes copains, tes copines? C'était plus quelle tendance à l'époque? Parce que tu disais que c'est vrai que de ton côté de Belgique, c'était pas trop hip-hop, c'était plus rock. And your friends around you, what kind of music would they listen? It was not really hip-hop, it was not really... Dans you know, in Belgium, it's, you know, what more famous is like rock music, but I'm not really, you know, I have my friends, you know, my surroundings. I'm grown up in Leefdal, a small village, and everybody took their guitar, listened to raga music, you know, Damian Marley, Capleton, Sizzla, and also Fugees, the soul music. So my environment, my friends were really into the soul scene. Moi, en Belgique, je trouve que les gens sont plutôt rock, mais moi, dans mon cercle à moi, mon cercle de copains, on habitait un village qui s'appelle Leefdal, et on avait toutes nos guitares, et on écoutait beaucoup de raga, et on aimait aussi Damian Marley et les Fugees. C'était ça, ce genre de musique que nous, dans mon cercle, on écoutait. Bon, il faut dire aussi que la Belgique a toujours été aussi un berceau pour tout ce qui est musique électro. Je sais pas si toi, t'as passé beaucoup de temps aussi à écouter de l'électro. Oui, aussi. Aussi, ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup électro, les années passées, oui. Comme Flying Lotus, beaucoup, et you know, the Warp label, I listen a lot to those kind of things. Les musiciens du label Warp. Très bien, Harold. Je te sens pas tout à fait convaincu. si, ça y est, t'étais à fond, t'étais dedans, en fait, dans le label. Un petit mot aussi sur... T'es retourné un petit peu dans ton petit village en Belgique? Did you go back to your village in Belgium? Yes, parce que j'ai acheté une maison là-bas. Bien, tu as raison. Oui, voilà. Donc, je suis 10 minutes avec mes parents et 5 minutes à ma sœur. Et c'est vraiment communauté. Très bien. Ouais, t'es toujours ancré. Tu n'irais pas vivre ailleurs. Non. Tu n'irais pas vivre, je sais pas, à Los Angeles, par exemple. No, because, you know, I tour all the time. I travel all the time. So, it's good to have like a base to come home to. Tu es tout le temps en tournée. Alors, c'est bien d'avoir une base quelque part où retourner. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs tes parents, toi, quand t'as commencé à chanter? Ils t'ont plutôt encouragé? Ils étaient derrière toi, ou ils se sont dit, bah, essaie de trouver quand même un autre job parce que la musique, on sait pas ce que ça va donner? My parents were like, you know, you have to do whatever you want as long as you're happy. The same with my brother and sister. So they were supportive in everything I wanted to do. They're really, really good parents, yeah. Moi, mes parents, ils nous ont dit, à mes frères, à ma sœur aussi, de faire tout ce que je voulais tant que je sois heureuse. Mmh. C'est vraiment, ils ont été vraiment super là-dessus. Bon, et là, t'es heureuse. Et je suis vraiment heureuse. Et là, ils te voient super heureuse. Oui. En plus, t'as acheté une maison à côté, tu vas pas fuir à l'autre bout du monde. Oui. Donc, c'est rassurant. Oui, oui, ça marche. Tu retournes quand, là, prochainement? Are you going back soon? Non. Pas avant 2 ans et demi. Non, next week. L'année, yeah, oui. Ah, bah, ça va. Pour quelques jours. Pour 2 heures. Oui, oui. Avant de repartir. Ouais. Bon, on va débuter avec Alone. C'est un extrait de ton album qui sort lundi dans les bacs. C'est Selassou. Remember me at night. Love has forsaken me. The day you abandoned me. Célasso avec Alone, c'est un extrait de l'album, l'album qui sort le 30 mars. Il y a quelques minutes, on parlait, on évoquait justement ta jeunesse plus du côté de la Belgique, Belgique auquel tu restes attaché, bien évidemment, puisque pas très loin de chez tes parents, t'as acheté une maison, t'y vas encore régulièrement, t'y vas la semaine prochaine. C'est quoi le premier truc que tu fais quand tu retournes justement en Belgique? Première chose que tu fais? I go cuddling the children of my sister. Je viens embrasser et faire des câlins aux enfants de ma sœur. C'est bien. Ouais. Tu es une bonne tata. Oh, vraiment bonne tata. Tata, c'est là. Tata, c'est quoi? Tata, c'est là. Tata, c'est là. Tu es tata, c'est là. Oui. Tata, c'est tante. Ah, voilà, ok. Voilà. Donc, c'est un petit bisou. Et sinon, qu'est-ce qui te manque quand t'es en voyage? Il y a des choses qui te manquent ou pas, hormis les parents, la famille de ton pays? Je sais pas, il y a des choses en particulier quand tu voyages beaucoup? What do you miss from your country when you travel a lot? Ma famille, ma maison aussi. Et mes poulets. Tes poulets? My chicken. But they're dead now. Tu élèves des poulets? Oui, mais ils sont morts. Ah bah, ah bah tu... En même temps, si tu leur fis pas à becter pendant 2 ans et demi, que t'es en tournée, oui, je comprends, ouais. Non, c'était un renard. Ah, c'est le renard qui les a. Ah, ouais. T'as des petits poules, des petits poulets? Oui, ils sont morts. Oh, il y avait beaucoup. Tragique. Il y avait beaucoup. Oui, 8. Ah ouais, c'est une belle petite famille. Et tous, le renard? Oui, le renard. But it's good because the fox also had children, so I'm like I can, you know, comfort myself in the thought that the children of the fox had food. Mais ce qui est positif, c'est que comme je sais que ce renard, il a des bébés renards, je vais au moins ça pour me conforter, c'est ouais. Que au moins ils ont mangé. Ben il les a nourris, voilà. C'est en même temps, je t'imagine bien un petit peu, voilà, en Céla, aller récolter ses petits œufs. Aller chercher les petits. I can imagine you well going to find the eggs in the morning. Yes. En chantonnant. Singing. Yeah. En chantonnant. Non. I'm alone. I'm alone. I'm alone with the chicken. Yeah, I could do that. But I love to work in the garden. I'm really a bourrineke. Comment tu dis ça? Bourrineke. Bourrineke. Ah, ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment anglais. Alors, tu confirmes ou pas? Non, bourrineke. Non, c'est pas anglais, mais j'ai compris le sens. Je suis vraiment une jardinière. Ce que j'aime faire dans voilà. Le jardin, c'est faire du jardin. C'est ça. C'est jardin. Une main verte, quoi. C'est ça. C'est la main verte. Oui. Ouais. Eh ben très bien. Donc c'est Célasso, non seulement les mains vertes, elle a une voix en or aussi. Décidément, c'est tout faire. You know everything. You know how to do everything. You sing. You can. Yeah, but I'm not good at it. I just love to do it. I just pick out, you know, the bad green in the garden. J'adore jardiner, mais je suis nul. Hein. La seule chose que je sais faire, c'est arracher les mauvaises herbes. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, t'es nul. Ah ouais, c'est pas gagné. Bon, c'est Célasso, en tout cas, c'est un peu mieux en musique. Hein. You're better singing. I think that's my thing. That's my thing. C'est beaucoup plus mon truc, ouais. C'est un peu plus simple. T'as installé d'ailleurs studio à la maison, home studio à la maison? Do you have a home studio? Yes, that's the plan actually, but not maybe after when it's calmed down after the second record. I'm really gonna focus on a home studio so I can record all vocals at home. C'est le projet. Après le deuxième disque, c'est ça que j'aimerais faire, avoir un home studio, comme ça je pourrais enregistrer toutes mes parties vocales. Voilà, tout sera 100% Belgium. Sur les prochains albums. Everything will be 100% made in Belgium. Oh yes, yeah. please. Ah, oui. Because I traveled so much with the second record that I'm really tired of it now. I really want to do everything at home now. Avec ce deuxième disque, je traverse vraiment le monde entier, je voyage partout. Là, j'ai vraiment envie de rester chez moi. C'est la soue à découvrir en attendant t'es chez nous cette semaine entre 20 et 21 dans Planète Rap. C'est un morceau que tu vas nous faire en live ce soir dans l'émission. On va l'écouter maintenant en version album. Le titre s'appelle I Won't Go For More. Yes. On le balance tout de suite. do. What is in my heart? Let it ring through you. I will sing for you. I will sing for you. What is in my heart? Let it ring through you. But I won't go. C'est Lassou, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h dans Planète Rap, et ce morceau qui figure sur l'album I Won't Go For More qu'on pourra découvrir dès lundi, sorti lundi de l'album. Dans quelques minutes, c'est là, on va revenir. Ça, je vais te le faire en anglais pour te soulager un peu. Just after commercial break, we come back. Ok. Ok. Ne bougez pas, c'est Lassou, notre invité. On passera encore d'autres morceaux qu'on va découvrir. Il y aura du live. Tu me feras d'ailleurs le morceau là qu'on vient d'écouter, tu nous le feras en live avec ta guitare. You're going to do this very same song live. Exactly, yeah, acoustic. Acoustique. Ce sera en fin d'émission, à pas louper. Le freestyle par téléphone, il arrive, 41 759. Bougez pas, on revient juste après ça. Sorti le 4 mai, Je suis une légende, album de Mac Taylor, avec un extrait à l'instant, Un jour peut-être, sur Skyrock dans Planète Rap. C'est Planète Rap avec C'est la Sou, toute la semaine à 4 jours de la sortie, le 30 mars, lundi, dans les bacs, la sortie de l'album Reason qu'on découvre cette semaine entre 20h et 21h. On passera un autre morceau dans quelques minutes, le morceau Together. On écoutera un autre titre d'ici à la fin de l'émission qui s'appelle Fear Nothing, tu nous en parleras, c'est là. Mais juste avant, il est grand temps de passer au freestyle par téléphone. Freestyle avec Soufiane, allô Soufiane. Ouais. À Sartrouville, comment ça va Soufiane? Ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme ce soir, tout va bien. Ça va. T'es prêt à rapper ce soir aussi pour tous les freestylers, je dis ça, hein, si vous passez à l'antenne. Samedi soir, il y a une grosse soirée hip-hop à l'occasion des chorus des Hauts-de-Seine du côté de la Défense, avec sur scène notamment Joe, qui a Youssoupha, il y a Sienna, il y a Joey Star avec Nati, et pour toi, il y a deux places d'entrée de jeu. Voilà, tranquille, d'entrée de jeu, et l'heure du freestyle a sonné. On y va? Ah, merci. Ouais, vas-y, c'est bon. Allez, Soufiane, c'est parti. Ok. Ok. Et nous ce qu'on veut, péter des millions. Vas-y vite tes poches, je m'en bats les couilles, puis tu sois mignon. Celle-là c'est pour tous mes gars qui eux se posent son fichier. Pas pour tous tes profs qui disent à leur daronne tu me fais chier. À force de sucer, tu marches les genoux fléchis. Y'a que quand t'es sous la douche que tu te mets à réfléchir. À ma gueule, on est allé, on lâche pas le steak. Je suis plus ancien que les anciens, tes anciens, appelle-moi la tête. T'as beau jouer les gangsters, tu peux jouer les trappes. Plus belle qu'à ta sœur en cours, elle peut se faire des tours comme les chasubes. Tu peux être sûr de toi, un jour ou l'autre on part tous. Tu peux te faire virer du navire, ma gueule, comme leur embase. Bon, et combien sont prêts à donner la mort juste pour un passe d'eau? J'ai appris à nager quand mes projets sont tombés à l'eau. Non, je suis pas un fou, en fait, je suis en retard. Et t'as intérêt à te mettre au niveau, car nous on est préparés. On n'est pas venu pour ce mal, rap c'est devenu pire comme Marie. Je veux la carrière au Marie Fred, et une fumeur Marie Frère. Aïe. Terrible, Soufiane. Parfait, de la punchline. De la classe, avec toi à l'instant en freestyle. On peut te retrouver sur le net quelque part, Soufiane? Ouais, on peut me retrouver sur YouTube. Vous tapez Reda Lacher, R-E-D-A, espace L-A-A-T-H-E-R. Et voilà, hein. J'ai deux freestyles, c'est tout. Hein. Et bah, allez faire un tour, et petit dédicace, petit message à passer, on t'écoute. Ouais, dédicace à Sartrouville, Cité des Indes, Reda Lacher, Karim, Kevin, Hetman, Issa, Yacine, mon gameux dans un gameau, Sajid, et tout le reste, ce que j'ai oublié, frère. Soufiane, merci beaucoup. Attends, en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Et bon courage pour la suite, en tout cas, Soufiane. Merci. Allez, salut. Ciao. Et tu repars avec donc les places pour les Chorus des Hudson, gros festival à pas louper, hein. Et puis la grosse soirée hip-hop de samedi du côté de la Défense, les places à choper sur Skyrock. Envoyez un petit message d'ailleurs si il nous reste quelques places pour samedi, donc n'hésitez pas. 41759 avec le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Planet Rap, l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, hey yo. Planet Rap en direct avec Célassou. Par téléphone sur tous les soirs dans l'émission entre 20 et 21, Célassou notre invité. On va partir sur un morceau de l'album, c'est là ? Oui. Tu veux qu'on écoute quel titre ? On avait dit il y a Together à écouter, il y a le Fear Nothing. Qu'est-ce que tu veux écouter ? Maintenant. Together. Together ? Yeah. Morceau avec Childish Gambino qui est présent sur ce morceau. Rappelle-nous un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là en début de semaine comment il était fait. Il était fait aux États-Unis, hein, celui-ci, le Together. Can you tell us again how it was made, this record? It was made in America, right? Yes, it's made in Los Angeles. I jammed a bit with the producer, my producer Ludwig, and we came up with it really quickly. It was a really good vibe, and then we felt it needed like a feature, and then he suggested Childish Gambino, and I thought he's an amazing rapper. So we called him and in a few hours it was fixed. Oui, on était à Los Angeles avec mon producteur, avec Ludwig, et puis on ressentait un bon vibe, on était vraiment contente, et on s'est dit qu'il nous fallait un featuring pour cet album. Et on a appelé Gambino, et dès qu'on l'a appelé, il a tout de suite répondu, et ça s'est passé très très rapidement. Tiens, tout à l'heure en début d'émission, c'est vrai qu'on parlait de la Belgique, là où t'es installé. Est-ce que Los Angeles est une ville où tu pourrais vivre au quotidien? Is Los Angeles a city where you could live? I think so, yes. In the beginning, I felt really bad. You know, it's kind of superficial and you feel kind of lonely because it's so big. But once you get to know the city, the cool places, you get to meet some people, it's really, really nice, really magical. Oui, oui, je crois finalement. Parce qu'au début, je me sentais assez mal. Je trouvais que tout était superficiel. Je me sentais vraiment seul. Et puis, c'est tellement grand. Et puis, quand on commence à connaître les gens, on trouve que c'est cool, qu'il y a de l'ambiance et les gens surtout sont sympathiques. Et donc, ouais. Ça me semble possible. T'as passé combien de temps là-bas en tout, entre le moment où t'as enregistré, où t'as bossé là-bas? How long did you stay over there? I think in total maybe 2 months or something. Mm-hmm. 2 mois, j'ai l'impression, au total, ouais. Deux mois enrichissant quand même. T'as fait des belles rencontres aussi là-bas. And you met a lot of interesting people. Encountering people was interesting. Yes, I met a lot of other producers, a lot of other artists as well. Not really the big famous one as we know them now, but really, you know, everybody lives in LA. Everybody wants to make it lives now in LA. It's crazy. Oui, beaucoup de producteurs. J'ai aussi rencontré beaucoup d'artistes, pas forcément des artistes connus. En fait, en ce moment, c'est la ville où il faut être. Tout le monde, toutes les gens qui ont un peu de succès ont envie d'aller à Los Angeles. Tu ressens aussi une vibe particulière quand t'es là-bas? Il y a un truc particulier? Is there a particular and a special vibe over there? It's, I feel like a work vibe. You know, when I was like, I wanted to relax, you know, I'm also a relaxer. I can be really lazy as well. So when I was out and just like walking around, nobody was outside and they were all like inside working, trying to make it. That was like the feeling I had there. C'est surtout une vibe de travail en fait, parce que moi je suis plutôt quelqu'un de paresseux et j'avais tout le temps envie d'aller traîner dehors, etc. Mais en fait dehors il n'y a personne, tout le monde est à l'intérieur, tout le monde est en train de bosser, et essayer de réussir. T'as pas été faire du roller? You didn't go and do some roller skating? No. No, but I did some jogging though. Non, j'ai fait du jogging. C'est bien, sportif, bravo. Yeah, merci. Bah de rien. On va écouter donc le morceau qui a été fait là-bas, le morceau s'appelle Together avec Childish Gambino. Tout de suite. Through the night sky, I know we're broken parts, but Yeah. Love so good, yeah, could've signed. Woo. Got the one thing that I couldn't buy. Yeah. Niggas so mad when I walk through. Yeah. With you on my arm, what they gon' do? Woo. Woman in my life, you the top two. Yeah. High mom, high mom. Lights on, lights on, lights on, lights on. Dine love, rap like this, you and I got. Blue jeans sounding like a pipe bomb. You and me together, baby, we can do it. Worst summer ever, but we got through it. Got through it. Talk about the money, I was getting to it. Where you wanna go? Where you wanna go? Let a nigga know. C'est un extrait de l'album Reason, l'album de Selassou qui sera dans les bacs lundi. Le morceau à l'instant Together avec Childish Gambino. Il n'y a pas beaucoup de featuring, on le disait sur l'album. Est-ce que toi tu réponds beaucoup à des demandes? Est-ce qu'on te demande beaucoup en featuring? There are very little featuring on this album. Do you answer to other requests, other people who ask you to do featurings? Yes, if I really feel it. For me, the name is not important, but if it's a song that I really feel, then I would do a feature, yeah. Oui, si je le sens en tout cas. Pas forcément si les gens sont connus ou pas, c'est pas ça. C'est si jamais je sens la chanson, si elle me plaît. Avec qui par exemple on pourra t'entendre dans les semaines ou alors dans les mois qui viennent? With whom? Yeah, that's hard. I cannot probably say that before it's released. But you know, actually, honestly, the last months I was working so hard that sometimes I really, you know, don't do it because I'm not in the vibe. You know, I need to feel creative and need to spend time with it as well. And I was really focused on my record, so it didn't came about. C'est difficile pour moi de dire parce que faut pas, ça se dit pas en fait avant ouais. que ce soit sorti. Mais ces derniers mois, surtout, j'ai pas été tellement dans l'ambiance d'en faire beaucoup parce que j'étais dans mon album, c'était ça qui m'intéressait avant tout et j'étais plongé dedans. Toi, quand t'es dans l'album, t'es c'est une bulle en fait. It's like a bubble. Your album, you're into that bubble. Yeah, it's true. Mm. Yeah, and it's you cannot focus on something else. You really have to put all your effort in that. Oui, et tout à fait. Et c'est un état dans lequel on peut pas se concentrer sur le projet des autres. On est entièrement happé par son propre projet. Le projet là, ça y est, c'est fait. Maintenant, tu peux souffler un peu avant de repartir en tournée. L'album sort lundi dans les bacs. On va écouter un extrait. J'aimerais bien que tu nous en parles de ce morceau. C'est un morceau qui s'appelle Fear Nothing. Can you tell us a bit about Fear Nothing? Well, it's actually written with a producer from the UK. Really, and he worked with Massive Attack, and I really love that sound as well. So, yeah, I really wanted to do something with him, and we wrote a song in like an hour. It was just magical. I did a vocal in one take. It was just a really good atmosphere. Oui, j'ai écrit avec un producteur anglais qui a été le producteur de Massive Attack et c'est un son que j'adore. Je voulais vraiment travailler avec lui. On a travaillé juste, on a mis le morceau en place en une heure et on a fait qu'une seule prise pour la voix. J'ai adoré cette expérience. Est-ce que celui-ci aussi est né d'une manière acoustique, par la guitare, par le piano? Was it born through acoustic music, through the guitar or the piano? Actually, no, that was really in production. He did the production really quickly. First, especially like strings on keys, you know, but electronic, and then I did my vocal on top. Non, ça s'est vraiment passé en production, en studio. Il a mis en place les cordes électroniques et il a sur le clavier. Et dès qu'il a mis ça en place, c'est comme ça que le morceau s'est construit. Et bon, on va l'écouter fini maintenant ce morceau. Il sera sur l'album qui sort lundi. Voici Fear Nothing. The things I know never had the same glow, passing through your rainbow. Oh, oh, oh. The things I feel never had the same hope, till I finally found you. Oh. Now you made me feel like choosing love against time, love against time. I would feel out here. Never had the same sound till I finally found you. Cold. Now you made me feel like choosing love against time, love against time. The same glow passing through your soul. Never had the same hope till I finally found. Till I finally found you. Things I hear. Never had the same sound till I never hear. Never had the same sound till I finally found. Till I finally found. Cause I want. Nothing, à l'instant, c'est extrait de ton album, c'est là, qui sort lundi dans les bacs avec voilà, une ambiance comme tu les aimes bien, celle-ci. Hein. It's kind of mood that you enjoy. Yes, very. It's like Portishead, Massive Attack, those kind of vibe. Trip-hop, I really love it. C'est Portishead, Massive Attack, le trip-hop, quoi. C'est mon truc, vraiment. Ça, c'est les trucs. T'écoutes, il y a des artistes que t'aimes bien aussi encore de cette scène-là à l'heure d'aujourd'hui. Are there artists that you still listen to from that kind of scene? Oh, it's hard. Yeah, I think I really always go back. Massive Attack is like my the biggest clear thing in what I like in that genre. Actually, Portishead as well. No, I don't know any other artists who do that at this moment. Ouais, c'est dur à dire. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'artistes qui soient dans cette veine-là en ce moment. Moi, c'est je retourne toujours à Massive Attack et à Portishead. Les classiques. Classiques, voilà. Les classiques. Bon, est-ce que tu es prête maintenant, c'est là, à prendre ta guitare? Okay. Et à nous faire un morceau en live. On va revenir sur un extrait d'album qu'on a passé tout à l'heure. C'est le I Won't Go For More. C'est morceau version acoustique. Yes. C'est comme ça qu'il est né celui-ci? Oui. Il est né comme ça à la guitare. Juste la guitare et voix. Juste guitare et voix. Et bon, on va retourner aux sources maintenant avec un extrait de cet album version acoustique. C'est la Sou en live dans Planète Rap. Raging force, but I won't go. C'est la Sou à l'instant, I Won't Go For More sur Skyrock version live. C'est la Sou qu'on retrouvera aussi demain entre 20 et 21 dans le Planète Rap. D'ici quelques minutes, Difool, la radio libre est là. On a un petit peu de temps juste avant de faire tourner la roulette. On va se refaire deux sons de C'est la Sou, le Alone avec Gizmo. Et puis juste après un de ses classiques, ce sera Ragamuffin. Puis je vois que quand j'ai envie de toi, tu es loin, je suis pas bien, je me balade en ville le soir. J'ai des flashs de tous les deux, faut pas qu'on se lâche, tu vois pas tout ce qu'on cache. Ça s'est passé sous tes yeux, tout va si vite, je te cache pas, ça devient speed. Sois pas si triste, t'inquiète pas, je reviens vite. Pas très loin, je pense à toi, Dieu m'en soit témoin, bien sûr que je me rappelle de toi. Perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu oublies ton amertume. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu es perdu. Je sais que quand le soleil se lève, tu perds tout ton temps dans l'amertume. L'émission rap de référence. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, hey Planet Rap. En direct avec C'est la Sou sur Skyrock. X-I-O-N, Miss C'est la Sou. Si la Zik était une go, j'aurais demandé son phone, j'aurais séduit. Et j'aurais fini par me rendre compte qu'elle jacque trop. La Zik était une go, j'aurais demandé son phone, j'aurais séduit. Mais j'aurais fini par me rendre compte qu'elle jacque le trou. So listen to the sound of my voice. You put this in him all my love. It's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that he pours. loin d'être un beau black. La gueule type du mec que l'ego plaque. La gueule type du mec que les autres taclent. Mais ça n'empêche pas de traverser tous les obstacles. Parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma vie, mais en même temps je m'en méfie. Je te jure que c'est la vérité, c'est la stricte réalité. Cette putain de zik m'a allaité, faudrait que tu songes à m'arrêter. Mais c'est difficile, là je suis en déficit. Me dis pas que c'est facile, si tu t'en détaches, fais-moi signe. Je vis dans ma tête 24 heures sur 24 et je concocte des tubes de dingue en attendant l'apogée. En musique, je l'aime, mais avec, je vais pas me maquer. C'est qu'une infidèle capricieuse, t'as pas remarqué. Elle passe de bouche en bouche à rien, t'as peut-être smaqué. T'as peut-être même claqué, du vif, tout plaqué pour elle. What you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. And dear ragamuffin, shall I not put it down? Cause she is the wisdom of another fool around. But why don't you be good sensei on the ground? Yes. S-E-X-I-O-N, Miss c'est la soupe. Elle aussi pourra te dire, ah ouais, paraît que je suis doué. Big up à la musique, j'ai connu sans le moindre sou. S-E-X-I-O-N, Miss c'est la soupe. Elle aussi pourra te dire, ah ouais, paraît que je suis doué. Big up à la musique, j'ai connu sans le moindre soupe. Yeah. S-E-X-I-O-N, Miss c'est la soupe. C'est nous, on met des gifs et c'est vous qui tentez vos joues. La musique, c'est tout ce qu'on a, je vous conseille de ne pas jouer. Comme le dit Jog par SMS, toujours aussi bon, ce sont Ragamuffin avec C'est la Sou, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 dans Planète Rap. C'est la Sou, on la retrouvera demain pour la dernière, ce sera entre 20h et 21h, juste avant la Radio Libre de Difool. Et juste avant la Radio Libre, il est grand temps de faire tourner la roulette maintenant. Comment ça va les amis? Skyrock t'offre le voile à voile à tour de Kev Adams. Moi, c'est Kev Adams. Plus l'intégrale de Tupac en CD. California. C'est génial! Allô Hugues? Ouais, allô? Du côté de l'Axou, comment ça va ce soir Hugues? Ouais, ça va tranquille et toi? Bienvenue dans le Planète Rap, bah écoute, terrible, pareil, avec toi, avec le son de C'est la Sou. Okay, okay. Et la roulette qui va tourner, on y va mon pote? Vas-y, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok, ok. Ça tourne, ça tourne. Ah. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... California. Hugues. Aïe, aïe, aïe. La totale mon pote, les places pour aller voir merci, Kev Adams. Merci, du côté de Nancy, on se dit quoi, le 7 juin? Vas-y, ça marche, 7 juin. 7 juin, merci, hein. Deux places pour Nancy, puis l'intégrale de Tupac qui arrive aussi à la maison. Vas-y, du côté ça marche, de merci, hein. Merci Fred. Merci à toi, passe une bonne soirée. Ouais, je passe une dédicace, vite fait. Vas-y, on t'écoute, toi. Vas-y, je passe une dédicace à tous mes potes, ils m'écoutent. À ma copine Valérie, à Las Galoches, à ma famille, et puis à mon école ISO, et puis voilà, et puis tous ceux qui me reconnaîtront. Eh ben, merci à toi, Hugues. Ciao. Merci à vous, hein. C'est cool, hein. Passe une bonne soirée, Difool, la radio libre. Ah bah Difool pour le moment. Ah Romano, bonsoir. Romano, comment ça va? Eh bah ça va bien. Alors ça dit comment quoi? Comment on se retrouve depuis ce matin? Eh bah tu... Oui mais je vais faire le tour. Il me semble que je dois faire le tour. Tu avais sorti une saloperie ce matin. Non mais pas du tout. J'attends ma semaine Planète Rap. Ah quoi. Non, il y avait une autre saloperie que t'avais sortie aussi. Difool, tu fais des bulles. Change de sujet. Allô Difool. Oui allô. Ah bonsoir. Difool, malheureusement il faut couper la radio. Pourquoi il faut couper la radio? Bah parce que tu as ça bulotte. J'ai bien plein de trappes moi. Bon ça va? Ouais ça va ouais. Où es-tu? Ça roule bien? bloqué comme plein de Parisiens sur le rond-point des Champs-Élysées. Mais que se passe-t-il? Il y a la pollution. Ah non, non, non, sur l'Arc de Triomphe. Il y a un truc, il y a la pollution. Paris, vous avez vu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a circulation alternée, circulation interdite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a circulation de merde. Ah oui, bah tout court. Ouais, c'est un bon classique. C'est pas mal, ça va sinon? Ben on est en pleine forme. Ah bah ouais. Ouais, très bien. Je ramène dans ma cargaison Karim et Marie. Waouh, ah, convoi exceptionnel. Laissez place. Dans la bouffe, c'est prioritaire. Ouais, la remorque. Place, place, laissez la place. Laissez-nous la place. Allume le gyrophare. Ou... Ah, laissez-moi passer, c'est voilà. Bien. Ou alors fous Marie sur le toit, n'importe. Ou sur le trottoir. Elle fera le passage. Oh. Tu la déposes, on la récupère après. Bon, bah en tout cas, on arrive. Bon, vous êtes déjà là, c'est bien vous. Eh ben ouais, bah, y a, pour le moment, il y a Momo, Samy et moi. Un beau trio pour ce soir. Ah bah ça, on est gâtés avec Samy. Ouais, bah, d'ailleurs, oui. D'ailleurs on pensait se prendre Momo en sandwich directement là. Ouais. Ah, profitez-en avant qu'on arrive si possible. Ah hein. oui, on va vite faire se toucher. Ouais, j'arrive en renfort parce que vous êtes légers les deux. Ah hein. Fred veut jouer aussi. Ah Fred aussi. Allez, c'est parti. Donc c'est soirée partout avant qu'on arrive et après on reprend le cours normal des émissions et de la radio libre de Skyrock avec vous tous en direct. Et sur le match de foot, c'est on les hymnes, en est c'est aux hymnes nationaux. Ouais. Ah, ça chante. Il y a un travesti qui chante là. Non, c'est Thiago Silva. Ah, pardon, excuse-moi, merde. Eh, Samy, reste tranquille. Je croyais que c'était un documentaire sur le bois de Boulogne. Mais non, Samy. Et vraiment, regarde Thiago Silva, le chant libre de Brésil. Ah, mais t'as vu la funge qu'il a. C'est le PSG qui joue ce soir. Regarde comme c'est beau. Raison de plus. Il a une bouche à déboucher les chiens. Ah ouais, sérieux, gros. Eh mais vous avez vu vos gueules. On fait les pronostics du foot. Allez, les pronostics. Allez, Fred. 3-0. Pour qui? Pour la France. Pour la France. Ah ouais, le Brésil, ils ont pas perdu un match depuis. Et bah, c'est le moment où jamais de commencer. Ils ont pris qu'un but depuis qu'ils rencontrent. Depuis qu'ils ont perdu, qu'ils se sont fait démonter par les Allemands. Ils ont pris 7 par les Allemands. Non, mais attends, ouais. Moi, ça me rappellera trop. Et 1, et 2, et 3, 0. Ah, il est chaud. Moi, je vais m'arrêter à 2-0, moi. Pareil, 2-0. Romano optimiste pour l'équipe de France. Ouais, je vais m'arrêter à 1 partout, moi, tu vois. Un partout pour Samy. 2-0 pour moi. Marie, combien? Oula. 1 pour la Marie. Karim. 2-0 pour le Brésil. Ah, 2-0 pour le Brésil. Ah, tiens bon. Il y a un trait dans la nature, je le dis. Foutez-le dehors. Ouais. Non, ouvrez la portière. Laissez-le sur le trottoir. Avec Marie. Avec... Ah, un c'est... client. C'est un loup, c'est un groupe. Ah, génial. Le premier client. Laissez-nous vos pronostics à vous. Oui. Laissez-nous vos pronostics. Ouais, je pense que c'était ça la fin de la phrase. Il y a Momo de la Gare qui nous dit 2-0, 1-1 partout pour Jules du 0-2. 2 partout pour Mandanda. Bien, bonjour Mandanda qui est dans les cages d'ailleurs. Ça. Ouais, tranquille. Et voilà, bah, il nous envoie un SMS juste avant. Là. Pendant les hymnes. Bon, il va s'en prendre 2. Comme vous l'avez marqué, on va parler foot dans un instant, mais pas que. On vous attend en direct. Tu as préparé ton beau problème du mois, on va donc. Ouais, il est prêt, il est dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a dans le tir? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Au programme Ah bah là ouais, attends Fred, tu me prends un peu de cours. Ah bon là. Bah ok. On va en parler dans quelques minutes. Très bien, ça me va. Bon, on démarre tout de suite alors, une minute de pub et on arrive derrière avec la belle Ariana Grande. C'est marrant que pour démarrer l'émission quand je suis pas là, je vois il choisit Ariana Grande. Ah, attention, Grande. Une arrivée, Cédric est dans le couloir. Oh merde. Oh. Plus beau que jamais. Plus beau que jamais, très bien. Bah, écoutez, l'équipe se recompose petit à petit. Mais petit à petit alors. Ah ouais, bah on vous attend alors. On va partir. Et Fred, demain le rendez-vous avec Célassou, c'est à 20h. À pas loupé, juste avant vous. Et voilà, c'est Planète Rap et l'album, il sera lundi dans les bacs. Yes. Merci Fredo. De rien. Et Romano, bah tout de suite, allez, c'est parti. Eh bah, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Il y en a grandé tout de suite.